Amoureux de la mélodie, c'est Samuel et Gadino T. 2004, nous serons servis, fidèles à la musique, pas de l'ennui. Je ne pourrai jamais oublier que mon son vient d'en bas, j'en fais pas tout un plat, mais j'ai encore la foi dans le dancehall wow. Et quand mon heure aura sonné, je veux un son système sur ma tombe et qu'en enfer on entende les boomers du dancehall wow. Si les modes ne font que passer, ouais. Je sais qu'on sera encore là. Je ne pourrai jamais oublier la puissance du reggae, son impact sur les jeunes qui s'éclatent. D'escalier, ça fait style dur. Tout au long de la soirée, y'a des rêves qui naissent et d'autres qui partent en fumée. Le temps passe toujours en faveur des plus ailés. La villa, la Porsche, ça c'est le putain de cliché. La passion pour la zig, voilà ma réalité pour devenir riche. C'est pas la meilleure direction, mais si tu kiffes le son, vas-y sans hésitation. Il apaise les âmes, assagit les esprits, mais si t'es exposé, attention à ce que tu dis, faudra assumer. Alors raconte pas de conneries, la facture sera salée si tu le sais, y'a pas de soucis. Comme un Ben Well, je ne pourrai jamais bien en bas, j'en fais pas tout un plat, mais j'ai encore la foi dans le dancehall wow. Et quand mon heure aura sonné, je veux un son système sur ma tombe et qu'en enfer on entende les boomers du dancehall wow. Si les modes ne font que passer, ouais. Je sais qu'on sera encore là. Je ne pourrai jamais oublier la puissance du reggae, son impact sur les jeunes qui s'éclatent pas. La musique dans le sang, dans le sang, dans les tripes, c'est avec elle que je me suis construit. Dans les clubs, dans les sons, dans les bars, dans les cas, partout où j'ai été galère ou pas, j'ai appris. Tu veux du gros son, allez viens par ici. La soirée est tellement chaude qu'on bronze, même la nuit, je me détends avec ma main sur un banc. Je me réveille patate avec Benny ou Missy. La musique accompagne chaque étape de ma vie. Tu vois mes joies, mes embrouillons, chacune leur mélodie. Elle accompagne les chanceux comme ceux qui en chient. Le monde entier bouche sur le son des Yardies. J'aime la vibe, donc je m'acharne. Depuis tant d'années, elle nourrit nos âmes. La musique ignore les différences sociales. Well, le son est nice, des enceintes émanent. La chaleur de la basse qui est phénoménale provoque l'euphorie et chez certains les larmes. Well, vous savez qu'on n'est pas les premiers, non. Laissez entrer, laissez entrer. Depuis des siècles, on partage les mêmes frissons. Laissez entrer, laissez entrer. Omniprésente dans la vie de l'homme, elle est fondamentale à chaque épisode. Elle a su évoluer sur nos camps des modes. Mais faites-vous des dents longues, près de nous une roule. Well, je ne pourrai jamais oublier que mon son vient d'en bas, j'en fais pas tout un plat, mais j'ai encore la foi dans le dancehall wow. Et quand mon heure aura sonné, je veux un son système sur ma tombe et qu'en enfer on entende les boomers du dancehall wow. Si les modes ne font que passer, ouais, ouais. Je sais qu'on sera encore là. Je ne pourrai jamais oublier la puissance du reggae, son impact sur les jeunes qui s'éclatent. C'est Samuel et Gadino T. 2004, nous serons servis, fidèles à la musique, et quand on l'ennuie. Je ne pourrai jamais oublier que mon son vient d'en bas, j'en fais pas tout un plat, mais j'ai encore la foi dans le dancehall wow. Et quand mon heure aura sonné, je veux un son système sur ma tombe et qu'en enfer on entende les boomers du dancehall wow. Si les modes ne font que passer, sur les jeux.